Frédéric Sigrist, vous nous parlez aussi un peu de musique, j'ai l'impression. Oui, la semaine dernière, j'écoutais Les Infos, je faisais de la mousse, après avoir entendu une intervention pertinente d'Elisabeth Borne qui expliquait aux Français que s'ils n'utilisaient pas d'électricité, eh bien, on leur couperait pas. Ce qui est pas con. Hein, 100% des accidents de la route pourraient être évités si les gens prenaient pas leur voiture. Ça peut être une géniale idée, pardon. Mais exactement. Mais on critique le gouvernement, mais c'est quand même une réflexion frappée au coin du bon sens. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, ils sont à deux doigts de dire « Mettez-vous en couple avec des manchots !» Tu sens que ça brainstorm sévère à l'Élysée en ce moment. Ça brainstorm, mais sans budget. Tu vois, le programme politique du gouvernement, ils ont envie de faire Avatar, mais avec le budget d'un film de Quentin Dupieux. Bref, la semaine dernière, entre deux fulgurances qui me donnaient envie de boire du desktop, j'ai appris la disparition de la chanteuse et comédienne Irène Cara. Irène Cara, c'est celle qui chantait ça. Qui, avant d'être une série culte des années 80, était un film d'Alan Parker. Alors pour nos auditeurs les plus jeunes, car je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent cette émission, ce qui est proprement terrifiant, car c'est dire qu'il y a toute une génération en train de se forger une conscience politique en écoutant les chansons de Frédéric Fromet et les chroniques de Jamie Lechlag et Juliette Arnault. Dans quelques années, on va avoir des générations entières de punk à chiens syndiqués, amateurs de kebab ou tofu, qui vont faire des ateliers diabolos en lisant du Virginie Despentes. Donc, pour les plus jeunes, je disais, Fame, c'était l'histoire de 8 élèves qui intègrent une école d'art publique où ils vont apprendre le chant, la musique, la danse et le théâtre. Une sorte de Starac, mais réalisé par Ken Loach. Parce que même si le thème chanté par Irène Cara est devenu culte, on oublie à quel point Fame est un film social. Cette célébrité, cette fame à laquelle aspirent les élèves, non seulement la majeure partie des élèves n'y accédera jamais, mais elle demande en plus des efforts et un travail monumental. Dans Fame, on ne devient pas une star en 9 prime time parce qu'on a chanté Le Petit Bonhomme en Mousse avec Patrick Bruel. Hein. Non, dans Fame, on en chie. Et aucun de ces élèves n'est fortuné ou pistonné. Dans les États-Unis qui préfigurent les années Reagan, le personnage de Coco, que jouait Irène Cara, ou celui de Leroy Johnson, représentait l'Amérique des prolétaires. La musique, la danse ou le théâtre n'étaient pas une fin en soi, mais un moyen d'échapper à sa condition sociale. Et c'est d'ailleurs un message qu'on retrouve dans plein de grandes comédies musicales. Flashdance, une ouvrière sidérurgiste qui veut s'émanciper par la danse. Billy Elliot, un jeune fils d'ouvrier qui veut s'émanciper par la danse. Full Monty, une bande d'ouvriers qui veut se réinventer par la danse à poil. Footloose avec Kevin Bacon, oui, l'acteur boycotté par les végétariens. C'est l'histoire d'une ville qui veut échapper aux fondamentalistes religieux par la danse et la musique. Même Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon, que j'ai découvert dans la mise en scène de Thomas Joly il y a peu de temps. C'est une grosse œuvre de gauchistes contestataires teintée de science-fiction où la musique est une échappatoire. On retient les chansons, les airs, la musique, mais pas ce dont la comédie musicale parlait vraiment. L'art est le seul ascenseur social qui fonctionne encore. À 15 ans, moi, j'ai eu la chance de passer une audition pour intégrer une option théâtre sur 3 ans qui a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, cette même classe est uniquement accessible sur dossier scolaire. L'hérésie. On se plaint du manque de diversité dans le cinéma et le théâtre français, mais qui peut aujourd'hui vraiment se permettre des cours de théâtre à plus de 300 euros par mois ? Pourquoi quand tu te fais des soirées stand-up, t'as l'impression d'être en face d'une chemise Désigual tellement il y a de couleurs, alors qu'une soirée Cours Florent, t'as l'impression d'être face à un catalogue de sous-vêtements d'Amar. Parce que le stand-up, c'est encore un mode d'expression accessible aux plus pauvres. Il faut permettre à tout le monde de faire de la danse, du théâtre ou de la musique, non pas pour en faire des artistes, mais pour en faire des hommes et des femmes libres. Merci Frédéric Sigrist. N'hésitez pas à partager cette belle chronique.